Chapitre 6e. Le lendemain de cette journée où s'était accompli l'acte auquel la marquise m'avait prié de m'opposer, à moins que l'honneur ne l'exigeât, j'accompagnai les époux dans le voyage qui la ramenait à Fairfield Castle. Le visage de la jeune femme était décomposé et sa froideur pour moi manifeste. Autant avant le mariage elle me montrait de sympathie, autant elle affectait maintenant de ne pas m'adresser la parole. Lorsqu'elle sortait de sa rêverie, elle témoignait de l'affection à son mari, sans se départir toutefois d'un éloignement, d'une répugnance inaccoutumée chez une jeune mariée vis-à-vis de son époux. Une gêne continuelle présidait à nos relations réciproques, et dès le premier moment, je compris que ma présence allait devenir impossible à Fairfield Castle. Harry ne m'en parlant pas, et voulant éviter de lui communiquer mes impressions, je lui manifestai le désir bien naturel de retourner en France, tout en lui laissant croire que mon absence ne se prolongerait pas au-delà du temps nécessaire à la conclusion de quelques petites affaires. Il parut si affligé de mon projet que je dus lui promettre d'y sursoir encore. Les choses allaient toujours de même entre nous trois lorsque Harry me dit un jour « Mon cher monsieur Clinchamp, j'ai eu tort de ne point écouter vos avis et de me marier. Juste mieux fait de passer avec vous le reste de mon existence. Ma femme est excellente et même affectueuse, mais je sens qu'elle ne vaincra jamais la répulsion que je lui inspire parfois. Éprouvant une violente passion pour elle, j'entrevois bien des luttes et bien des chagrins. Si Milady n'était pas enceinte, je ne prolongerais pas davantage cette situation. Mais elle vient de m'annoncer sa grossesse, et je ne puis lui rendre sa liberté. Puisque vous désirez aller à Paris, je n'y puis mettre obstacle. Je souhaite même que vous partiez prochainement. L'avenir me réserve des embarras dont je ne sortirai pas privé de votre expérience, de votre intelligence, de votre dévouement. Il m'importe donc que vous terminiez bientôt vos affaires et que vous vous teniez prêt à venir me retrouver ici au premier signal. Ma mère me recommandait il y a 12 ans de vous considérer comme mon second père et je lui ai si bien obéi que la vie ne me paraît pas possible loin de vous. Promettez-moi donc, en souvenir d'elle, de ne pas disposer de votre liberté sans me consulter. Je le lui promis, en l'assurant de mon inaltérable attachement, et nous nous dirigeâmes vers son cabinet de travail où il m'entraîna. « Avant votre départ, me dit-il, je veux que vous preniez connaissance de ce papier. » En disant cela, il rompait le cachet de l'enveloppe sur laquelle la marquise avait écrit les lignes que j'ai transcrites plus haut. Il me tendit la lettre qu'elle contenait, en m'invitant à la lire. Elle était ainsi conçue. « Mon cher fils, après 1000 hésitations, je me décide à vous faire part de certaines circonstances qui vous expliqueront pourquoi vous vint au monde comme un nouvel Ésaü. Fille d'un officier supérieur de l'armée des Indes, c'est dans ce pays que je connus John Carret, devenu, peu de jours avant mon mariage, Lord Fairfield, par la mort de son frère aîné. Cette mort, en le rappelant en Angleterre, hâtait notre union et nous devions nous embarquer le lendemain même du jour où elle serait célébrée à Delhi. » En effet, après la cérémonie, nous partîmes pour une ferme établie par mon mari et dont la prospérité lui promettait une belle fortune personnelle. Il désirait me faire voir avant notre départ le fruit de son travail et de son intelligence, et cette excursion à cheval me souriait infiniment. Nous partîmes suivant une route tracée dans la forêt. Au milieu du jour, nous fîmes halte pour le lunch. Pendant que nos gens le préparaient, nous nous avançâmes vers un beau site connu de Lord Fairfield et qu'il voulait me faire admirer. Chemin faisant, il s'amusait à tirer sur les oiseaux au brillant plumage qui se croisaient sans cesse devant nous. Cette immense solitude, entrevue à la clarté du soleil indien, nous invita bientôt à nous reposer sous un dôme de liane où croissaient des mousses odorantes. Je goûtai là, près de mon mari, que j'avais épousé par inclination, un moment de bonheur complet. Ces oiseaux que tout à l'heure nous poursuivions en ennemis, nous les écoutions avec délice, ne songeant plus qu'à jouir du spectacle de la nature. Il me semblait que ces 1000 chants mélancoliques et purs traduisaient ma reconnaissance envers Dieu et toutes les joies de mon cœur. Ces trop courts instants d'extase et d'amour, je ne devais plus les retrouver jamais. L'hymne d'allégresse se changea tout à coup en un cri de mort. Pendant que, les bras enlacés, nous nous laissions aller aux impulsions de nos jeunes cœurs, une bête affreuse, un orang-outan d'une taille de géant, nous apparut dans la clairière. En moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, cet homme des bois se précipitait sur Lord Fairfield. le saisissant par le corps aussi facilement qu'il le fait d'un enfant, il se mit à en frapper un arbre sur lequel jaillit la cervelle de mon époux infortuné. À cette vue, je me sentis défaillir et perdis connaissance. Quelques heures plus tard, le domestique me retrouvait étendu sur le sol avec mes vêtements déchirés, mais saine et sauve. À la suite de cette épouvantable catastrophe, et dès que ma santé, dès lors affaiblie pour toujours, le permit, je revins ici où vous naquîtes dans les larmes. La fin tragique de mon mari m'avait laissé sans consolation, avec la douleur poignante de vous savoir l'héritier de certains caractères extra-humains. Si vous vous décidez à lire ce récit, avant toute idée de mariage, la prudence vous trace le devoir de ne point prendre femme, car l'hérédité entraîne avec elle de terribles effets. Si au contraire, les circonstances vous obligent à contracter une union, si ces fruits rappellent encore l'événement funeste qui m'a ravi Lord Derville, prenez avec ses enfants les soins exceptionnels dont je vous ai toujours entouré. Puisse l'homme parfait qui a rendu plus facile ma tâche de veuve continuer au rejeton de notre race, désormais empoisonné, le dévouement qu'il vous prodigue. Harry ne prononça pas un mot. Il restait atterré d'une telle révélation. Me levant et appuyant ma main sur sa robuste épaule, je l'assurai de mon éternel dévouement. Mais il ne me répondit pas. On eût dit que la parole lui manquait tout à coup. Après quelques instants de silence, le laissant à ses pénibles réflexions, je sortis pour veiller à mes préparatifs de départ. Mon ancien élève, que je n'avais jamais vu malade, me fit dire à l'heure du dîner qu'il s'était couché. Je mangeais seul, car Lady Ferville ne parut pas. Ce ne fut point un contretemps pour moi. Un vague pressentiment me disait que je ne reviendrais pas dans cette maison, où s'étaient écoulées 12 années de mon âge mûr. L'émotion me gagnait malgré moi. Dans la soirée, je me rendis dans la chambre de Harry, que je trouvais avec la fièvre. Bien que mon départ fût fixé à la première heure du lendemain, je lui proposai de rester près de lui, mais il n'accepta pas. Sa femme, disait-il en y appuyant, souhaitait ne le pas quitter. Celle-ci étant entrée, je me levai et lui fis mes adieux, en lui exprimant mes vœux pour son bonheur et mes regrets de n'y pouvoir pas contribuer. Lady Ferville me remercia poliment, mais sans y joindre le shake-hand, si facile aux Anglais. Harry, toujours si calme, commença de s'agiter, puis il me prit la main en me la serrant fortement. « Vous reviendrez au premier signe, n'est-ce pas, mon cher ami ? » balbutia-t-il, pendant que ses dents claquaient les unes contre les autres, comme s'il étouffait en sanglots. « Assurément, mon cher Harry, » répliquai-je en dominant mon trouble. « Je vous laisse ma bibliothèque pour gage de mon retour. » Quelques instants après, deux chevaux vigoureux me conduisaient à la station de Norwich, d'où un train express m'emportait vers Londres. Je n'y séjournais pas, et le lendemain, je m'embarquais pour la France. 9 mois plus tard, je recevais du vieil intendant qui, le premier, m'avait accueilli à Ferville Castle, la lettre suivante. Je la traduis fidèlement. « Monsieur, sachant l'amitié qui vous unit à Milord, je crois devoir vous donner connaissance des faits qui viennent de se passer à Ferville Castle. Milady est accouchée, il y a 8 jours, d'un enfant qui n'a pas vécu. Elle est morte en le mettant au monde, dans d'horribles souffrances. Milord ne l'a pas quittée pendant les longues heures de ce travail, auquel présidait un homme de l'art, le plus expert. Sa seigneurie ne proférait pas une parole. Ses yeux étaient attachés sur un seul point. Il attendait le dénouement, debout, près du lit de Milady, sans qu'il fût possible de l'en éloigner, même pour prendre la moindre nourriture. L'heure de la délivrance vint enfin. Le rejeton de mes maîtres était un monstre. Milord s'en empara, pour le bien considérer, malgré la résistance qu'il rencontrait. Sa seigneurie poussa un cri, accompagné d'une contraction singulière du visage. Depuis, Milord n'a plus donné aucun signe d'intelligence. Le médecin dit qu'il est idiot. Votre serviteur, Roberts. Ainsi s'achève Lord Ferville, par Guy de Charnassay.